Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, oubliez Moby Dick, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossion. Au départ de cette série, il y a une histoire de baleine blanche tueuse qu'on veut battre en brèche et l'envie de tendre l'oreille aux cétacés pour voir le rêve d'un dialogue devenir réalité. Alors pour commencer, les personnages. Deux navigatrices à l'affût, un bioacousticien qui a le mal de mer, une bassoniste stupéfaite, une biologiste qui dissèque, un guide d'approche, un savant poète et des scientifiques bouleversés. Ensuite, le décor. Des chants de baleines, des infrabasses, des coups de nageoire, Madagascar, La Réunion, des hydrophones, des enregistrements, un disque dans l'espace, des bateaux, un très vieux chant et des ronronnements. Aujourd'hui, quatrième épisode, on embarque. Tu veux? Tu veux? Ouais, si tu peux aller à l'avant et ouais. Marion à l'arrière et je. Les amarres, elles restent sur le quai. Elles restent sur le quai. Ouais, pardon. C'est bon? Sac. Ouais. C'est parti. La réponse de la baleine à bosse. Oui, c'est l'association scientifique. Hein. Ça va? Tout se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. C'est un petit peu timide. Je crois que ça vient de sortir sur notre travers tribord. Non, mais c'est là, c'est autour. Hein. Ça se monte toutes les 10 petites minutes. Une fois 500 mètres devant, une fois 500 mètres derrière. Donc ça n'a pas envie de se laisser approcher, mais on a réussi à prendre une caudale en photo. Il nous manque la deuxième. C'est pour ça qu'on traîne un peu là. Il y a quelques temps déjà, je rencontre Olivier Adam, bioacousticien, spécialiste des chants de cétacés, professeur à la Sorbonne et à Paris-Saclay. Je lui avoue que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu les chants sur lesquels il travaille. Il me confie un enregistrement qu'il a effectué à Madagascar. Je l'écoute et le réécoute. Il fait ressurgir les souvenirs amniotiques de nuits passées en mer à bord des voiliers. On peut toujours aller voir le premier plan d'autre. Est-ce que la coque du bateau fait caisse de résonance? Alors, vous avez vu baleine à terre là, grand matin? Non? Hein? Ben, hier, il y avait un bon peu là, juste. La trompette. Une bonne même? Ok! Quand ce que là, quand ce que là, là, là, là, là. Et quand ça grand matin plutôt? Toute la matinée. Et là, n'a point rien là? Un soir de concert, je vois arriver sur scène un bassoniste. Hier même ça? Oui, hier. Ah! Vous avez déjà entendu un bassoniste en solo? Merci, bonne pêche! Et puis surtout, j'ai l'impression d'entendre une baleine à bosse. Alors je lui fais écouter l'enregistrement d'Olivier Adam et il me dit « Mais pourquoi les baleines jouent du basson ?» Avec Sophie Bernadeau, bassoniste, Olivier Adam, oui, j'écoute. Des microphones aquatiques dits hydrophones, un haut-parleur marin et les amis de l'association Abyss à La Réunion, nous allons essayer de comprendre pourquoi les baleines jouent du basson. C'est sur notre avant à midi, là, à peu près 500-600 mètres. On va essayer d'écouter s'il y avait des chants dans le coin. Et alors, la dernière fois je me suis mis dans l'eau, j'ai rien entendu, il y en a aujourd'hui? Non, depuis ce matin on n'a rien entendu. Ouais, c'est les mises en bouche en fait, elles ont raison, ça permet de suspense, ça nous dévoile, bien sûr. Ça nous dévoile toute leur panoplie de comportement dès le premier jour, on a été trop vite rassasiés. On n'a rien dans l'eau, c'est bon? Non, c'est bon, on peut tracer. Allez, c'est parti. Vous vous rappelez de cet enregistrement à Madagascar? Ah bah, complètement. C'était mon premier enregistrement. La première fois que je suis allé à Madagascar, c'était en 2007. J'avais une idée très vague des baleines à bosse et des chants qu'elles émettaient. Et je ne m'attendais absolument pas à ce spectacle. Déjà, quand je suis arrivé à Sainte-Marie, donc à la Sainte-Marie, ça sautait de partout. Les baleines tapaient des caudales sur la surface de l'eau. Enfin, il y avait un spectacle visuel qui était juste exceptionnel. J'imaginais pas ça du tout. Je pars en mer avec l'équipe de cet amada. Donc je vomis juste en quittant le ponton, évidemment. Donc du coup, ça a donné un petit peu une ambiance un peu spéciale sur le bateau parce que moi, je suis parisien. Et les gens n'avaient pas vraiment été un petit peu angoissés de voir comment on allait procéder à des enregistrements. Et évidemment, on n'entend rien quand on est sur le bateau. Et donc, quand j'ai mis mon hydrophone dans l'eau, et là, c'était la cacophonie, ça hurlait de partout. J'ai mis le gain à zéro tout de suite parce qu'en fait, j'entendais pas dans le casque. Et là, je me suis dit, en fait, le spectacle, il est sous l'eau. Et là, j'ai commencé à comprendre que ça allait être du gros travail de recherche, quoi. Alors, cet enregistrement, c'est celui-là. Top. Qu'est-ce qu'on entend ? Ce qu'on entend, c'est que les chants, en fait, c'est une combinaison des séquences successives d'unités sonores. Unité sonore, c'est un élément, une vocalise, entrecoupée de deux silences. Vocalise, voilà, silence. Vocalise, silence, etc. Et en fait, quand on écoute attentivement ces vocalises, on est capable de les ordonner, c'est-à-dire d'en faire la classification, et d'extraire ces sous-phrases ou phrases, et qui créent en fait le leitmotiv d'un chant qui dure entre 10 et 15-20 minutes. Et la baleine va répéter ça en boucle pendant une heure, deux heures, une journée, enfin, comme elle le sent, quoi. Dans cet enregistrement, vous avez trouvé des types de sons particuliers qui renvoyaient vers le basson ? J'ai découvert 4 registres. Pour l'instant, moi, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. C'était donc une première écoute. Donc, le premier registre, je l'ai trouvé dans les infrabasses, en faisant une vibration rapide avec la langue, qui se fait régulièrement sur les hanches. Avec des ouvertures de gorge différentes, en fait. Voilà, donc ça, c'est donc un des patterns que j'ai découvert dans le langage. Vous lui avez donné un nom ? Je l'ai appelé infrabasse, flat dans la culasse. Ouais. Ensuite, donc j'ai trouvé un autre mode de jeu qui est médium grave. C'est celui que je trouve le plus récurrent, en fait, dans cet enregistrement. Donc ça, je l'appelle médium grave. Ensuite, j'ai le médium aigu. Donc là, j'ai eu du mal sur ce motif-là à trouver ce qui correspondait pour le basson. Et j'ai trouvé donc l'ange de contrebasson qui était pas mal du tout. Seul, sans le basson. Et après, donc, j'ai l'aigu suraigu, que j'appelle. Alors là, je suis encore au début de mes peines parce que je n'atteins pas encore exactement la note idéale. Donc là, c'est un cri perçant. Je vais m'éloigner quand même du micro, on ne sait jamais. Donc, j'ai pratiquement atteint mon but sur l'aigu suraigu. Voilà, donc j'ai 4 modes de jeu. Si vous réécoutez l'enregistrement, par exemple, vous pourriez jouer quasiment exactement le début de l'enregistrement d'Olivier Adam ? Oui, je pourrais donc quasiment le faire pour l'oreille humaine. J'imagine que les baleines n'auront pas la même constatation. Je pense qu'elles auront quand même un petit coup de rigolade en écoutant ça. Mais oui, je peux le faire pour l'oreille humaine. On essaye ? On essaye. Alors, baleine à bosse. Top. Alors, baleine à bosse. Top. Thank you. La première chose, c'est que le baleineau va entendre les chants avant même de naître. Parce que dans la zone de reproduction, les femelles arrivent avant de mettre bas, et donc les chants sont tellement puissants et elles vont évoluer à travers des chants émis par plusieurs chanteurs, c'est que le baleineau va les percevoir alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Après, la première chose qu'il va faire quand il va sortir du ventre, quand il va naître, c'est d'entendre ses chants, parce qu'il va y avoir des chants partout dans la zone où ils vont naître. Donc le premier contact qu'il va avoir avec la vie, c'est ces chants-là. Donc ça doit influencer grandement leur vie future. Il faut savoir que ces baleines-là vivent 100 ans ou plus, qu'elles ont une culture, qu'elles ont un apprentissage vertical, c'est-à-dire de la mer, de génération en génération, et puis un apprentissage aussi horizontal, c'est de adulte à adulte. D'accord ? Donc ils ont plein de façons d'apprendre, de s'adapter à la vie, de trouver des solutions pour se reproduire, pour se nourrir, etc. Et donc les champs, c'est une vraie culture. En 2004, je crois, il y a eu une publi qui a été faite par des Australiens qui ont montré que les baleines de la côte est sont venues influencer de façon très forte les baleines de la côte ouest en modifiant complètement leur chant. Et là, on a parlé de révolution culturelle parce que les leitmotivs ont totalement changé en un an. Et ça, c'est assez intéressant dans la mesure pour deux choses. La première raison, c'est que les baleines, évidemment, s'écoutent et interagissent grandement avec le son. Donc, elles vont échanger des unités sonores. Et la deuxième chose, c'est que manifestement, ces baleines ont éventuellement compris qu'il y avait un intérêt à partager les chants avec d'autres, une autre population. Et donc, se sont appropriés complètement leur leitmotiv. Donc, il y a une culture, il y a une tradition qui pourrait faire croire à des chants ancestraux, mais il y a aussi une certaine souplesse parce que ça peut évoluer avec la rencontre de différentes personnes, comme quand il y a des interactions entre musiciens par exemple et des échanges qui peuvent se faire avec une nouvelle culture. Le jour 2. Bertrand Denis, Laura Serac, Aline Pénito, bienvenue à bord tout le monde. Marion Auvise, capitaine S. Alors aujourd'hui, on a un objet un petit peu particulier de la sortie, qui est de faire des mesures de son, d'enregistrement de chanteurs. Donc on a une commande, une organisation orchestrée par Olivier Adam, qui nous a demandé d'enregistrer les chants de baleines donc tous les 15 jours. Et on le fait simultanément dans 5 pays. Donc il y a le Kenya, il y a Mozambique, il y a les Comores, et il y a Madagascar et Réunion, et l'île de la Réunion, où nous sommes actuellement, au large de la baie de Saint-Paul, sur le sec. Donc des séquences de 30 minutes minimum d'enregistrement. Donc ensuite, attendre qu'elle remonte et essayer de prendre des photos, soit de la caudale, soit de la dorsale. Des longues apnées, tu vois, Ah ouais, c'est clair, ça change. Un bon petit quart d'heure. Elle se rapproche, non ? Elle est sortie là. Ah bah voilà. Ah bah voilà, tu vois ? Il suffisait d'attendre. Mets le cache, Marion. Elle a ressondé là. Bon, moi je propose qu'on attende parce que là. Une petite écoute, ça peut être pas mal. Une petite écoute, ouais. On va voir ce que ça donne. Voyons. Bon, alors, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça chante à toutes. Ouais. Belle vocalise et petit grognement juste avant. Comme dans les aigus. Ah ouais, il y a les glouglous, les. Les claquements de gorge, enfin tu vois le. on échange, Aline. Venez goûter si vous voulez, là il y a vraiment du champ super. Cet instrument, le basson, c'est un long tube en bois. Donc voilà, il est composé de plusieurs parties. On pourra dire donc la culasse pour jouer un registre des baleines à bosse. Les deux parties médianes qui sont deux bouts de bois et le bonnet qui a une perce un peu différente qui permet d'amplifier les harmoniques et d'avoir un son un petit peu plus ample. À ça se rajoute un bocal, ce qui est un tuyau en fait, un fin tuyau sur lequel est fixée une anche double, donc qui est faite de roseaux, qui rentre en vibration et qui traverse tout cet ensemble de parties, donc une longueur peut-être de 2 mètres, je dirais, voilà, qui donne un son assez doux, assez grave, et qui est beaucoup utilisé dans la musique baroque et contemporaine. En fait, moi, la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler sur les chants des baleines, c'est comment elles pouvaient émettre ce type de vocalise. Enfin, moi, je suis ingénieur, et donc j'aime bien comprendre le système qui crée, en fait, cette vocalise. Alors, chez les dauphins, chez les odontocètes, hein, d'un point de vue large, mais chez les dauphins, cachalots, etc., ils ont des membranes au niveau des évents qui vont claquer l'une contre l'autre et qui vont faire des clics. Mais ben, la bosse, elles font pas de clics du tout. Et du coup, j'ai contacté Joy Redenberg, qui est une chercheuse en anatomie. Donc, elle fait beaucoup d'anatomie comparée, notamment de ORL. Et l'idée, c'était d'avoir une description complète d'un larynx de baleine. Je prends rendez-vous avec elle, et là, moi qui n'ai jamais fait de dissection à l'école, j'ai même pas disséqué une grenouille ou un crapaud, quoi. Là, je me retrouve à disséquer dans son laboratoire des larynx de baleine. Il faut se rendre compte que le larynx de baleine, les conduits nasaux, c'est 1,60 m de long, le larynx en lui-même, c'est 1,20 m, la trachée fait 1,20 m, 1,30 m, les poumons, c'est 1000 litres d'air, donc c'est énorme. Tout est surdimensionné avec les baleines. Et puis l'odeur fait que si t'es pas anatomiste, tu peux pas rester plus de 15 secondes dans la salle. D'accord, ça c'était un truc de dingue, parce que quand on est rentré, moi je pensais qu'une chose, c'est d'aller vomir. Et là, je voyais Joy faire comme si de rien n'était, commencer à découper les trucs, etc. Et ben, moi, je vais pas pouvoir tenir plus d'une minute là encore. Hein. Il faut que ça soit tout de suite ou jamais, quoi. Et du coup, on a mis en place à Madagascar une équipe qui va maintenant intervenir sur des lieux d'échouage, parce qu'évidemment, on ne tue pas les baleines pour faire de l'anatomie. On se déplace sur des lieux où il y a des échouages. Et maintenant, on est capable d'extraire le larynx d'une baleine et de pouvoir en faire la mesure. Comment circule l'air quand vous jouez en souffle circulaire? En fait, ça fonctionne exactement comme une cornemuse. On remplit une poche d'air, c'est-à-dire les joues. On emmagasine, on bloque le système afin de ne pas perdre cette poche d'air. Et ensuite, on inspire par le nez pour réapprovisionner cette poche qui est dans les joues. Et on peut faire donc une double respiration, c'est-à-dire rejeter du CO2 et inspirer pour permettre d'avoir une note longue, très longue, de 45 minutes par exemple. Et vous découvrez... On savait qu'il y avait un sac laryngé. Ça, on le savait qu'il y avait un sac laryngé, c'est-à-dire une poche qui était connectée au larynx. Alors en fait, la baleine va souffler de l'air des poumons vers cette poche. Donc tout ça, c'est interne à la baleine. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Il n'y a pas d'air qui s'échappe de la bouche ou des évents. En fait, la baleine va souffler de l'air des poumons vers cette poche d'air, va la gonfler et après va la compresser pour réavaler l'air, d'accord ? Et en fait, ça permet de prolonger l'apnée. C'est comme si elle avait des bouteilles à l'intérieur d'elle-même ou une cornemuse, par exemple. Complètement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la jonction entre ce sac et la trachée, ce sont deux cartilages qui sont totalement fermés. D'accord ? La baleine va gérer où elle place son air et donc elle va déconnecter en fait le sac laryngé des poumons en fermant deux cartilages l'un contre l'autre. Et ces cartilages sont recouverts d'une membrane. Donc, quand la baleine écarte légèrement ces deux cartilages, elle va autoriser l'air à passer des poumons vers le sac laryngé, et lorsque le flux d'air va passer, va faire vibrer en fait ces membranes, Et donc ça va créer des vocalises. Mais il nous reste un problème, c'est comment expliquer les sons pulsés. On ne peut pas trouver un enregistrement de Benabos sans ces sons pulsés. En tout cas, si vous en trouvez un, il faut me l'envoyer d'urgence. Bon. J'ai un exemple de son pulsé. Alors, très bien. On voit qu'elle souffle, d'accord. Il y a vraiment, on voit bien que c'est clairement un flux d'air qui passe à travers les membranes. Donc ça, c'est très très bien. Mais il y a des sons pulsés qui sont beaucoup plus tranchés et évidents. Donc là, c'est vraiment clair que c'est du pulsé, quoi. Sauf que c'est pas une baleine. Ah là, c'est pas une baleine. Ok. Mais non, mais. C'est du basson. Bah oui, voilà. Ah bah oui. C'est exactement ça. C'est le même principe, en fait. C'est le même système. Parle ça. Putain, le basson, c'est quoi? Non, comment il est? Ouais, c'est un surpiège, je sais pas. Vous l'avez vu, baleine à terre, la grand matin? Oui. Où ça? Là, dans mes possessions? Partout, la terre, là? Une écoute, ouais. Une configuration que tout à l'heure, quand ouais. Seulement elles se remettent à la chanter. Ouais. J'ai envie d'avoir beaucoup de sons parasites de bateau. Ouais, c'est sûr. De toute façon, je pense que là... Là, je pense qu'elles vont ressortir à peu près à 200... Ouais, elles sont là. Elles sont... Ouais, elles vont vers le Lady Lafay qui bouge pas depuis tout à l'heure. Hein. Donc c'est celui qui fait le moins de bruit. Donc là, entre le bateau de pêche derrière nous et nous, c'est nous qui faisions le plus de bruit. Donc je pense que si elles partent vers le large, on y est peut-être pour quelque chose. Ouais, ou peut-être pas. C'est toujours les questions qu'on se pose. Vous voyez, au final, c'est le bateau qui a le moins bougé. Le Lady Lafay, ouais. Le voilier qui les a au plus près. Tout ça, ça fait aussi ici à La Réunion que les opérateurs, les opératrices, les professionnels de la mer ont travaillé ensemble à une charte d'approche. C'est quoi cette charte d'approche ? La charte d'approche, elle a été faite en 2009, puisque à La Réunion, on a tous les cétacés qui sont au même endroit que les humains, vraiment dans quelques kilomètres carrés. Le biotope est vraiment idéal pour eux et il est aussi idéal pour nous puisque c'est la côte sous le vent, c'est l'endroit où la mer est la plus calme. C'est là aussi où les animaux viennent se reposer, donc se nourrir. Et du coup, cette cohabitation dans quelques kilomètres carrés, elle est obligatoire. Je m'appelle Emmanuel Antoine Georgi, je suis guide naturaliste d'approche des cétacés dans l'eau et moniteur de plongée. Le son est de super qualité. La charte d'approche, elle a été mise en place avec l'ADA, les professionnels, les plongeurs. L'ADA, c'est le représentant du ministère de l'Environnement français à La Réunion. L'idée, c'est vraiment de rester à 100 mètres d'une baleine pour faire, si on doit se mettre à l'eau. Les mises à l'eau sont d'ailleurs déconseillées puisque c'est des animaux qui peuvent être dangereux puisque ce sont des animaux sauvages. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, il y a des limitations en termes de vitesse des bateaux puisque le bruit des moteurs est vachement important. Il y a des limitations en termes de nombre de bateaux. Faut que tout ce qu'on approche du même côté de la baleine pour ne pas l'encercler. Tu te rappelles comme ça d'une rencontre qui a pu te marquer ? Alors oui, je me rappelle en 2014. On a fait peut-être 200 mètres par rapport au bateau. Et puis on s'est arrêté. Et là, je l'ai vu arriver des profondeurs. Et elle est arrivée face à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait son ventre. Elle remontait avec son baleineau. Et puis, comme on bougeait pas, je me suis mis en parallèle avec elle. Et puis là, elle a arrondi sa trajectoire. Elle est venue juste à côté de moi. Je bougeais toujours pas. Depuis 10 minutes, je bougeais pas. J'avais les bras et les jambes écartés, à plat sur l'eau. Et puis, elle a tendu sa pectorale, parce que je lui tendais la main. Elle a tendu sa pectorale. Elle l'a passée peut-être à 20 cm en dessous de mon ventre. Tranquillement, très tranquillement. Et elle a voulu peut-être me toucher la main. C'est long comment une pectorale ? Ça fait 5 mètres, c'est une grosse planche, souple. Et puis, c'est assez épais. Et parfois, il y a des coquillages dessus, donc il faut faire attention, même si elle passe lentement, elle peut griffer avec ses coquillages. Et du coup, on est retourné au bateau. Et là, elle nous a suivis. Ensuite, elle a remonté son baleineau à côté du bateau, elle l'a mis sur son dos. Et puis, elle a fait un spy hook, donc elle s'est mis, elle a sorti le museau de l'eau, le rostre, et elle nous a regardé. C'est l'animal qui a tout fait, en fait. Enfin, les animaux, puisqu'il y avait le baleineau. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que l'animal fasse les derniers mètres. Et plus je me suis. Le but vraiment de ma mise à l'eau, c'est de me faire superbement approcher par un animal. C'est-à-dire lui transmettre suffisamment de tranquillité, en fait, par mon attitude, pour qu'elle approche au plus près et qu'elle vienne me scruter de près, parce qu'elle elle peut le faire. Et du coup, cette adaptation de l'homme, en fait, à l'animal, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, on est vraiment dans une sorte de communication interespèce. Et ça, je trouve ça génial, en fait, qu'on puisse essayer de faire ce genre de choses et vraiment percer ces mystères, de faire en sorte que l'animal vienne tout près et vienne nous regarder comme nous, on pourrait le regarder par curiosité. Ah, une baleine. Une baleine. Juste à côté. Juste à côté, à 30 mètres. Elle vient de sortir de l'eau, elle vient de souffler. Incroyable. On lui a rien demandé. Non. Et on est tout près du port. Voilà, elle passe. Et donc du coup, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux baleines quand elles viennent nous voir. C'est qu'elles viennent tellement près des côtes, tellement près du port de Saint-Gilles. Des fois, elles sont à 20 mètres du port le matin. C'est de leur dire, voilà, nous les humains, en tout cas les humains de La Réunion, ne sont pas des chasseurs de baleines, et on est friendly, quoi. On est là pour vous accueillir et pour vous observer. On peut vous accompagner dans tout ce qui se passe au niveau sociaux chez vous. Voilà, vous faites votre production, vous mettez bas, etc. Mais vous pouvez à la limite même vous servir de nous pour vous poser en toute quiétude devant le port. Sans que vous soyez embêté, sans qu'on ait besoin d'aller vous voir en apnée et vous agresser. Voilà, l'important, c'est de respecter leur bulle. Et c'est vachement important pour moi, ça, de leur dire pourquoi on est là. Bon, on part vers le port et on voit si on peut tomber sur une baleine dans la baie de Saint-Paul. On va pas être en trop tard. Ouais, j'ai plus rien dans l'eau. L'hydro, il est pas L'hydro est sorti. Non, l'hydro est encore. Attends, l'hydro est encore. Oui, c'est pour ça, ouais. Attends, on va remettre la VHF parce que si jamais ils ont quelque chose. Bon. DSF pour catalyser du moteur. En fait, au tout début d'histoire, on a commencé à enregistrer ces chants-là à Hawaï, qui était une zone de reproduction. Donc on s'est dit, ils émettent ces chants-là pendant la période de reproduction, donc probablement qu'il y a un lien entre ces chants et la reproduction. Et donc la première hypothèse, ça avait été de dire que les mâles émettaient les chants pour attirer les femelles. Bon, après, un peu plus tard, on s'est aperçu en fait que les femelles n'étaient pas vraiment intéressées par les chants. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a fait l'expérience à Madagascar, on a diffusé des chants de mâles à des femelles. On n'a jamais vu une femelle venir au bateau, voire même il y en a qui ont quitté le lieu où on diffusait le chant. Donc, c'était pas super top. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu un succès de dingue avec nos chants. Et donc, on s'est dit, bon, finalement, c'est peut-être pas immédiat le fait que ça attire les femelles. Et en 2006, par contre, il y a eu une étude australienne qui ont suivi des chanteurs et où il y a eu beaucoup d'interactions mâle-mâle. Et du coup, et quand deux mâles arrivent, ils arrêtent de chanter et puis il y a une interaction entre eux. Et ensuite, après, dès qu'il y en a un qui parle, l'autre se remet à chanter. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, finalement, le chant, c'est peut-être des limitations de territoire ou en tous les cas d'indiquer la position des mâles. Et vu que la compétition est extrêmement forte entre mâles pour accéder à des femelles pour un peu de reproduction, ça pouvait avoir du sens. Et puis plus tard, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des chants dans les routes migratoires et dans les zones d'alimentation. Moi, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, on a enregistré des champs de baleines à bosse. Alors, c'est quand même pas que. Alors, c'est plus rare que dans les zones de reproduction, mais enfin, ils existent. Donc là, on se dit, bon, finalement, la théorie sur la reproduction en prend un coup, parce que dans les zones d'alimentation, les baleines à bosse sont très segmentées. C'est-à-dire, elles sont des zones de reproduction pour se reproduire et mettre bas, et elles sont des zones d'alimentation pour s'alimenter. Et on n'a jamais observé des accouplements dans les zones d'alimentation ou des nourrissages dans les zones de reproduction. C'est très séparé, quoi. Donc s'ils émettent des champs aussi dans les zones d'alimentation, c'est que probablement le champ a un autre rôle qu'un rôle basique lié à la reproduction, qui pourrait être aussi... des champs pour soit se faire plaisir, soit pour interagir directement entre eux et créer un certain contexte musical autour d'eux. Ah bah oui. Ce sont des chanteuses après tout. À la fin des années 60, on estimait... que le stock de baleines avait tellement baissé qu'on allait arrêter la chasse, non pas pour protéger les baleines, mais parce que c'était devenu plus du tout rentable de les chasser. Et puis, il y a deux biologistes qui sont partis sur des bateaux de la marine et qui ont découvert des choses incroyables. C'est assez ironique d'ailleurs qu'on arrête la chasse par rapport à une espèce, mais parce qu'en fait, c'est pas économiquement jouable d'aller les trouver. On a arrêté de chasser la baleine bleue antarctique, pas pour sauver l'espèce, mais simplement parce que ils étaient incapables de savoir où elles étaient, quoi. Donc à la fin, ils se sont dit, bon, on va arrêter, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. On aurait préféré que ça soit pour des raisons purement écologiques, mais voilà. Le but, c'était d'arrêter de la chasse. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années fin 60, on était au moment de la guerre froide, et on était à un moment donné où l'acoustique sous-marine a pris de l'ampleur, parce que c'était le seul moyen de détecter des sous-marins. Encore, les sous-marins à cette époque faisaient du bruit, donc du coup, il suffisait de mettre des hydrophones, qui étaient du matériel extrêmement cher, donc au niveau scientifique, c'était compliqué d'en avoir. Par contre, les militaires en avaient, et à Hawaï, en l'occurrence, ils écoutaient. Probablement, ils n'ont jamais entendu un sous-marin russe. Par contre, ils ont entendu plein de baleines à bosse en train de chanter. Et du coup, ce qu'a fait la marine américaine, c'est qu'ils ont proposé des enregistrements à deux scientifiques biologistes, Penn et McVeigh. Et après une écoute qui a duré plusieurs semaines, ils ont classifié toutes les unités sonores. Ils se sont rendus compte en fait qu'elles n'étaient pas distribuées de façon aléatoire, mais qu'elles étaient répétées en boucle. Et donc ils ont introduit la notion de chant, parce qu'à partir du moment où on répète la même séquence plusieurs fois, c'est considéré comme du chant. Et ils ont fait une publication qui a fait le tour du monde et qui fait toujours référence au jour d'aujourd'hui dans Science, dans la revue Science. Et puis, histoire extraordinaire, parce que les chants qui ont été donnés par la US Navy, ils les ont mis sur un vinyle. Et ensuite, ce disque, il est dans le registre. Il y a un organisme américain qui répertorie toutes les musiques qui font l'histoire américaine. Donc on retrouve Michael Jackson, on retrouve Prince, etc. Et ce disque, il est répertorié comme faisant partie de l'histoire américaine. Et puis, dans Voyager, qui est une capsule qui est partie dans l'espace, il y a 60 langues humaines qui ont été compilées. En fait, l'idée de cette capsule, c'est d'aller à la rencontre d'extraterrestres. Et donc, si jamais on rencontrait des extraterrestres, ils auraient pu avoir une idée de ce qu'était l'humanité et les coordonnées de notre Terre pour qu'ils puissent nous trouver. Et donc, il y a 60 langues humaines et une langue non humaine qui est, en fait, les baleines à bosse d'Hawaï. Ce qui, ironiquement, serait dingue que les extraterrestres viennent sur Terre pour écouter des baleines et pas nous, quand même. Mais bon. On va l'écouter. Face 1. Un solo de baleines. Les sons pulsés, hein. Sur l'enregistrement de Mada, pareil. Là, par exemple, sur cet enregistrement, on peut entendre une réverbération qui est due à la profondeur de l'eau. Donc, contrairement à mes enregistrements à Madagascar qui sont faits dans 30-40 mètres de profondeur, où j'ai pas cette réverbération, Mais là, c'est super parce qu'on a une réverb qui est due à la profondeur, mais avec l'écho qui se fait en surface. Et d'ailleurs, l'écho aussi qui se fait à la profondeur, donc du coup, qui entretient les unités sonores. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez magique de voir qu'au milieu de l'océan dont on pensait qu'il allait être totalement silencieux, on va avoir un son qui va arriver de nulle part et qui va occuper entièrement l'espace, le volume marin. C'est ça qui a été en fait la grande découverte du show, c'est que c'est pas des sons qui sont créés totalement aléatoirement et qui sont organisés totalement aléatoirement, c'est créé par un système respiratoire qui a totalement été décrit depuis, et puis c'est émis dans une séquence temporelle qui est bien définie et qui fait le leitmotiv du chant. Peut-être on va écouter un autre chant du disque de Penn et McVeigh, La plage 4, La baleine distante, de la face A, comme on disait à l'époque, du disque. Top. De cet enregistrement-là, il a écrit un poème qui s'appelle La baleine chante. McVeigh. Incroyable. À la limite, on pourrait l'appeler. Ah bah oui. Et on pourrait lui demander de nous réciter ce poème. Ah bah complètement. En plus, il le vit quoi. Genre, il faut faire ça effectivement. Yes, my interest, I was an English major McVeigh était d'abord étudiant en littérature à Princeton. And I read Il a lu Moby Dick grâce à un fameux professeur. A renowned professor by the name of Lawrence Thompson. He said to us, qui a dit don't à ses étudiants de ne pas passer à côté de cette affaire de baleine. Did I not skip the whale stuff? 38 scientific papers. Et un très grand nombre d'explorations polaires et autres campagnes océanographiques. Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu une baleine à bosse? Oh, well, that's a matter when you're in Maui. Évidemment, quand tu es à Maui, il suffit de mettre tes oreilles dans l'eau pour entendre des baleines proches ou lointaines. Mais lui, ses premières écoutes ont été quand ces enregistrements lui sont parvenus. Il y avait cet homme, Roger Penn, qui était biologiste. Il lui a apporté parce qu'il connaissait sa publication de 1966. Qui a porté à la connaissance de tous la question tragique du massacre permanent des grandes baleines. Et il savait comment utiliser les spectrographes. Roger Penn est venu le voir, il lui a donné ses enregistrements et il lui a demandé s'il pouvait y jeter une oreille. Il a passé ses soirées et ses week-ends à analyser ces sons. Et sa première impression était qu'il s'agissait d'une énorme cacophonie qui ne lui racontait aucune histoire. Mais la grande surprise est venue un dimanche matin grâce à son extraordinaire femme. Elle était mathématicienne et elle savait détecter des patterns de manière incroyable. Il a étalé les sonogrammes sur le sol du salon. Et tous les deux, au même moment, ont aperçu soudainement un pattern. Même si cette cacophonie ressemblait plutôt à un mishmash, un chaos, ils se sont aperçus que les chanteurs répétaient le même chant. C'était merveilleux. Il a écrit un poème au même moment où il a fait cette découverte. To leave the oceans which girdles 7/10 of the world barren of whales, is as unthinkable as taking all music away and everything associated with music, composers and their works, musicians and their instruments, leaving man to stumble on with only the dryness of his mutterings. Une météo au nord qui n'est pas spécialement clémente. On va donc descendre plutôt au sud, train de houle le sud-ouest, relativement faible. On est dans de bonnes conditions pour aujourd'hui, malgré un petit temps qui tend à la pluie. Nous sommes donc le 25 juillet, sortie réponse de la baleine à bosse, avec trois participantes, Aline Pénito, Laura Serac et Marion Rovise. Capitainesse pour aujourd'hui et on va pouvoir démarrer. Voilà. Allez, on est parti. Oh, baleine juste là. Là, dans l'axe du bateau du cata blanc tout à l'heure, un dos, un souffle. Pile dans l'axe du cata qu'on voit là-bas. Bac, souffle. Dos. À 11h. Bon, en plus, tu en as deux en même temps, là. On va rester là, on bouge pas. Ouais. Ok, donc je peux déjà mettre le haut-parleur dans l'eau. Très bien. Ça chante, t'entends ? Est-ce que tu... Ouais, j'entends chanter, plutôt aigu. Ouais, ça chante. Allez, j'essaye un son pulsé. Son pulsé 1. Ouais, le truc très fort, c'est toi. D'accord. Ah, elle fait surface là-bas. À 3 heures. Combien, 50 mètres ? Juste un dos. Son pulsé 1. Mais t'as vachement de bruit de gorge à la suite. Hein. Son pulsé 3. Et après... Ça, c'est pas toi. Non. Ah, d'accord. Donc, on est d'accord, c'est une réponse. Et pareil, ça l'a fait deux fois. Et là, aigu. Je refais le plus, c'est trois. Est-ce que ça serait pas le basson? Ou alors, c'est un mâle qui chante très fort. Donc, ça, c'est la baleine. Mais par contre, c'est étonnant. Quoi. Ouais, on dirait un barrissement d'éléphant, mais ça ressemble énormément. Ça pourrait complètement être une vocaliste de baleine à bosse très proche en fait de l'hydrophone. Ça, c'est excellent. Hein. La baleine, ça c'est la baleine, la réponse. Et donc là, il y a des sons de basson dedans. Elle reprend tout de suite la parole après toi. C'est intéressant ça. Ça, c'est une baleine qui parle. Ça, tout le monde se tait. On est d'accord que là, c'est la baleine qui écoute et ça repart. Le son du basson. Moi qui ai une interaction, ça. Ça m'étonne pas, mais c'est vrai qu'avec le basson. Ça a quand même piégé assez fortement. Ouais. Est-ce que ça, c'est une baleine à bosse qui répond, ça ? Tu es ? Elle va s'en souvenir, parce que quand elle va revenir l'année prochaine ou l'année après, elle va savoir qu'elle a fait à un moment donné une interaction avec vous. C'est quoi. Une baleine, ça. C'est beau. Mais pardon. Aucune idée. Sincèrement, je sais plus d'où vient le son. Si c'est les sons de, si c'est des vocalises de baleine, ou si c'est des pré-enregistrements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, par exemple, quand on fait des expérimentations avec du playback, c'est-à-dire qu'en fait, on diffuse des chants de baleines à des femelles ou des sons de femelles à des mâles. En fait, on diffuse du son, mais c'est que dans une direction. C'est-à-dire que nous, on diffuse du son à la baleine et on regarde son comportement, mais on n'écoute pas sa réponse. D'accord ? Ça se fait que dans une direction. Et là, avec cet extrait, on a vraiment l'impression que ça va dans les deux sens. Moi, j'ai une forme d'unité hein, sonore hein, que je peux diffuser au moment où j'ai envie de les diffuser. Assez courte, de basson dans l'eau. Donc, du coup, c'est pas une bande. Hein. Bien, oui. Là, on est en train de changer. Du coup, j'ai changé aussi d'unité. Ok. Ah, ça, c'est du son pulsé, ça. Ouais. Waouh. Maladroitement, j'envoie mon son. Il n'y a plus que des sons pulsés. Une espèce de roucoulement là, j'en avais pas entendu comme ça. C'est une belle modulation. C'est vraiment étonnant. Ils sont pulsés aussi longs comme ça, moi j'avais pas noté ça à Madagascar. Du coup, il fait plus que des sons pulsés. Pour ma part, je suis complètement perdue. Prise au piège. C'est intéressant. Je suis totalement... plus aucun repère. Je n'ai pas de repère. J'en serai jamais. Donc ça serait plutôt une richesse dans l'émission ? Oui. Que nous, humains, ou... En tout cas, moi, instrumentiste, n'a pas encore pu développer à ce point. Il y a beaucoup de recherches à faire. Ah, ça repart un peu. Oui, ouais, on va repartir sur la première... Peut-être une proposition. Ça serait au tour de la baleine de me faire une proposition. Ah. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils organisent ces différentes unités. Et ça, c'est fait de façon intentionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté de créer des sons, donc ils vont les anticiper. Et après, ils vont organiser leur vibrateur pour pouvoir créer ces sons. Et on voit que le contrôle, il est très, très, très fin et très, très précis dans la façon de le faire, dans la durée, dans les fréquences qui sont exactement les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est des vrais professionnels du chant, quoi. J'ai aussi emmené un chant de femme, un chant très ancien, un chant du XIIIe siècle, galicien, qui est une litanie. Ce sont des chants qui sont chantés par les femmes au bord de la falaise, qui appellent au loin l'ami, que moi je prenais aussi possiblement comme un appel à la baleine. À une époque où on n'a pas encore noté la musique. Donc on note la musique avec des petits carrés les uns sur les autres, qu'on appelle des neumes, qui racontent une forme d'élévation ou descente de la voix. Et ça me rappelait ce système d'écoute des unités sonores. Un soir, au large de Saint-Gilles, sur la côte ouest de la Réunion, j'ai diffusé ce chant aux baleines et il s'est passé ça. Est-ce qu'on essaie de passer juste de l'autre côté du tombant ? Ouais. Voir ce qui se passe et puis si jamais on revient au milieu et puis... Ouais. Peut-être cet endroit-là fait caisse de résonance et elles sont en train de jouer juste derrière. Peut-être on peut essayer d'aller juste devant le tombant. On peut aller de l'autre côté, ouais. Ça ferait comme une petite cathédrale, là, comme un mur réverbéraux, en rêvant. Ouais, peut-être qu'elles ont pris ça pour une scène, un amphithéâtre. Ouais, c'est sympa. Là, ici. Ouais. Ça serait incroyable. T'imagines qu'on est au milieu de... T'entends? Direct, ça s'envole de tout. Ça grogne. que je mette le haut-parleur? Je sais pas, j'en ai pas tout. Allez, j'essaye. C'est pas facile. Hein. J'essaye. Juste pour l'expérience. Allez, allez. Elles sont proches, incroyable. Alors, le haut-parleur est dans l'eau. Regarde, tu as un casque là. Ondas d'Omar de Vigo par Viva Bianca Luna dans le haut-parleur plongé dans l'eau sur un bord du bateau. Et au même moment, la réponse d'une baleine à bosse captée dans l'hydrophone. Alors je me suis demandé si nous, humains, nous étions capables d'échanger à ce niveau d'émotion-là. Réponse de la baleine à bosse. Un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Avec Olivier Adam, Sophie Bernadeau, Scott McVeigh, Marion Ovis, Laura Serac, Bertrand Denis, Emmanuel Anton Giorgi et Isabelle Klein. Prise de son, Claire Levasseur, Clonior, Aline Pénito. Remerciements Victoria Jeans et Sophie Couronne. Mixage Pierrick Charles. avec le soutien du Fonds Gulliver, de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter à La Réunion, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et demain, nous irons en apnée. Mais en attendant, restez à l'écoute.